Merci Maëlys, et de notre côté, bien la compagnie des auteurs, c'est parti pour cette dernière émission de la saison avant de se retrouver en septembre prochain et dans l'intervalle en rediffusion tout l'été à 20h. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce quatrième épisode de notre série consacrée à des correspondances amoureuses, épisode proposé par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Mille et Laurence Genepin, Laurent Travaglichanal et Audrey Guélil. Une série que nous avons entamée avec la correspondance échangée 15 années durant par Albert Camus et Maria Cazares, 1300 pages publiées chez Gallimard et qui disent le tumulte de l'amour mais aussi la mesure de cet amour. Vous pourrez d'ailleurs en entendre des extraits lus par Isabelle Adjani et Lambert Wilson le 13 juillet prochain à 20h sur France Culture en direct d'Avignon. Quant à notre émission de lundi dernier, elle reste bien entendu écoutable en podcast ou directement sur notre site. Mardi, nous nous sommes arrêtés sur les lettres échangées entre Guillaume Apollinaire et Madeleine Pagès, correspondance dans laquelle le poète va séduire et aimer à distance une jeune fille rencontrée dans un train jusqu'au déclin progressif de leur amour. Enfin, hier, nous sommes revenus sur les courriers que Nabokov échangeait avec sa femme. Ils ont été publiés, ces courriers, chez Fayard en septembre dernier sous le titre de « Lettres à Vera » et ils montrent une relation tendre et amoureuse qui durera toute leur vie. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour terminer cette saison en évoquant la correspondance de Chateaubriand avec deux femmes qui seront importantes dans sa vie, je recevrai en seconde partie de cette émission Marie-Bénédicte Diethelm. Juste avant cela, il y aura eu la chronique de Marc Poré. Mais pour commencer, nous sommes en compagnie d'Yvan Leclerc, professeur émérite de lettres modernes à l'université de Rouen et directeur du centre Flaubert. Il vient nous parler de manière plus globale de quelques correspondances amoureuses à partir d'une anthologie à laquelle il a collaboré et qui a été édité par Le Monde et les éditions Garnier en 2010. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Mon loup, mon cœur, mon adoré, je donnerai 10 ans et plus pour ta chevelure dorée, pour tes 12 yeux irrésolus, pour la chair d'oison ambrée. Ce qu'à la reine fit Jason pour ses tours de sorcellerie, pour sa magie et son poison, je te le ferai, ma chérie, quand seront seuls à la maison. Je t'en ferai bien plus encore, l'amour, la schlag, etc. Un cul sera noir comme un mort quand ma maîtresse arrivera. Arrive, ô mon loup que j'adore. Dans la chambre de volupté où je t'irai trouver, à Nîmes, tandis que nous prendrons le thé pendant le peu d'heures intimes que m'embellira ta beauté, nous ferons 100 000 bêtises, malgré la guerre et tous ses maux. Nous aurons de belles surprises, les arbres en fleurs, les rameaux, Pâques, les premières cerises. Nous lirons dans le même lit au livre de ton corps lui-même. C'est un livre qu'au lit on lit. Rêverie sur ta venue, extrait de Poèmes à loup de Guillaume Apollinaire, lu par Jean-Louis Trintignant. Bonjour Yvan Leclerc. Bonjour. Alors ce n'est pas une lettre que l'on vient d'entendre, mais un poème, et pourtant il s'agit, tout comme dans une lettre, de s'adresser à l'être aimé. Un poème d'amour adressé à quelqu'un, est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière toujours une lettre d'amour ? Oui, la différence avec la lettre, c'est qu'elle passe par un circuit postal. Elle est apportée par le facteur, mais peut-être que le poème qu'on vient d'entendre a été copié dans une lettre à Lou et lui est parvenu par le courrier. Donc effectivement, dès l'instant où il y a un jeu qui s'adresse à un tu, on est dans un schéma épistolaire, évidemment. Est-ce que toute lettre est une lettre d'amour ? Ah oui, alors c'est la première phrase de l'introduction de l'anthologie. Je pense que cette formule est évidemment un peu exagérée. Ceci dit, il y a dans le jeu qui s'exprime, quel que soit le destinataire, une volonté de reconnaissance de soi, enfin de se faire reconnaître, une attente, ne serait-ce que l'attente d'une réponse. Et au fond, peut-être une tentative de séduction, y compris quand on écrit à son percepteur. Alors, le percepteur, la séduction, ça marche pas toujours. Ça marche mieux quand on est dans une relation amoureuse. Mais on est, en tout cas, toute l'être parfois, ça peut être est utile et dans un modèle, nécessaire. En tout cas, de correspondance qui peut devenir amoureuse, d'une certaine manière. Mmh. Alors, vous citez Roland Barthes, dans cette introduction à votre anthologie. Roland Barthes qui précisait, dans ses fragments d'un discours amoureux, « Ce que j'engage avec l'autre, c'est une relation » et non une correspondance. Quelle est la différence, Yvan Leclerc, entre cette idée de relation et cette idée de correspondance? Oui, alors évidemment, Barthes est central avec les fragments d'un discours amoureux où la lettre a une grande importance. Et c'est souvent une lettre sans retour, une lettre adressée à l'absent. Enfin, Barthes dit aussi que dans l'absence de la lettre, il s'adresse à un absent et il creuse en quelque sorte l'absence. Il creuse sa propre solitude. Oui, alors la correspondance, le mot est beau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en résonance et en écho, pourrait-on dire, en écho. Mais ça se passe pas souvent de cette manière, évidemment, parce que la relation est souvent une relation inégalitaire, une relation qui est peut-être biaisée ou peut-être indirecte. Et donc la correspondance, le terme de correspondance, ne met pas toujours en correspondance de un épistolier et son destinataire. Et Barthes prenait un exemple, celui des liaisons dangereuses, où il cite la marquise de Merteuil qui écrit « Vous voyez bien que quand vous écrivez à quelqu'un, c'est pour lui et non pas pour vous. Vous devez donc moins chercher à lui dire ce que vous pensez que ce qui lui plaît davantage. » Et c'est peut-être cela, l'ambiguïté de la correspondance amoureuse, c'est que finalement tout est fait de faux-semblants, Yvan Leclerc. Oui, et puis il faut se mettre à la place de l'autre, au fond. Ce qu'on dit là, et ce qui se dégage des correspondances amoureuses, qui est un genre performatif, c'est-à-dire que la lettre fait ce qu'elle dit, au fond, et elle produit un effet sur l'autre. Et c'est cet effet qu'il va falloir anticiper. À la relecture de ces lettres, je ne l'ai pas relu depuis la publication, c'est-à-dire 2010, je me rendais compte à quel point l'épistolier vise à produire un effet. À la fois la lettre qu'il reçoit agit sur lui-même, bien entendu, la lettre qu'il écrit a une action particulière sur lui-même, et en même temps, il vise à produire une action, en particulier dans les lettres érotiques, très précises sur le destinataire, ou plus souvent la destinatrice, dans les lettres qui sont reproduites ici. Mais l'effet, il est difficile à prévoir, parce qu'on ne sait pas dans quelles circonstances ces lettres vont être lues, vont être reçues, et encore une fois, il y a beaucoup d'écrans dans les lettres d'amour qui sont posées, tout est codé finalement dans une lettre d'amour. Alors la lettre est codée comme le reste. La lettre érotique est peut-être un peu moins codée que les autres parce que on ne peut pas la recopier d'un secrétaire. Il y avait jusqu'au 19e siècle, au début du 20e, des secrétaires pour écrire des lettres, c'est-à-dire des manuels d'écriture en fait. Hein. C'est pas le cas forcément pour la lettre érotique. Ça fait quand même partie de cette grande catégorie de littérature définie par Rousseau comme étant cette littérature qu'on ne lit que d'une main. Et qu'on écrit que d'une main. Hein. Quand Vigny envoie une lettre à sa maîtresse Marie Dorval, il la fait précéder par la mention « pour lire au lit ». Et donc là, il y a aussi quelques belles phrases de Beaumarchais sur l'effet produit par la lettre. Lorsqu'il dit « ta lettre est assez polissonne », donc c'est cette fois la lettre qu'il reçoit, « j'ai senti sous mon bureau quelque chose remuer ». Et il envoie aussi à une autre maîtresse, alors du coup, cette fois, du point de vue de celui qui écrit, avec un distique assez pauvre, « En te faisant cette épître, l'amour dresse mon pupitre ». Donc, il y a effectivement l'effet performatif qui est immédiatement perceptible dans le texte et explicite. Apart. I'm not alone. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors c'est vrai, Yvan Leclerc, qu'il y a beaucoup de lettres à caractère érotique dans votre recueil. D'où viennent-elles? Comment les avez-vous choisies? Alors, comme toute anthologie, c'est un mélange de choix personnels et de contraintes éditoriales. L'une des contraintes était qu'on se limitait au domaine francophone et qu'on s'arrêtait là où les droits d'auteur commencent, c'est-à-dire au début du 19e, au début du 20e siècle, au début du 20e siècle pour la limite des droits d'auteur de 70 ans. Après, on les a choisis. Alors, il y a des choses qui se sont imposées d'elles-mêmes, d'autres qu'on est allé chercher dans des correspondances en cours. Je pense en particulier à aux très belles lettres explicites de Juliette Drouet à Victor Hugo, qui sont en ligne sur le site de l'Université de Rouen où j'ai travaillé dans une entreprise dirigée par Florence Nogrette. Donc ça, c'est une lettre quasi inédite. Enfin, elle était déjà sur le site, mais elle était presque inconnue. Donc voilà, il y a un mélange de lettres attendues et puis d'autres qu'on est allé chercher dans des zones un peu plus reculées. Il y a des séries, il y a des lettres unitaires. Alors, il y a plusieurs. Effectivement, il y a des lettres unitaires. Par exemple, une lettre de Paul Léoteau, qui a 80 ans, mais toujours vert, écrit une lettre à caractère auto-érotique à une de ses maîtresses qui est la moitié de son âge. Donc ça, c'est une lettre unitaire. Et puis, on a quelques séries de lettres, en particulier les belles lettres que j'ai découvertes en faisant cette anthologie, parce qu'en tant que 19e, je connaissais beaucoup moins bien les lettres, en particulier 18e, les lettres de Beaumarchais. Mmh. Les lettres de Beaumarchais, là, on en a plusieurs, oui. Alors, Beaumarchais, c'est un vrai libertin de mœurs, mais aussi d'esprit, et un dramaturge, c'est-à-dire qu'il met en scène l'érotisme qu'il est en train de formuler par lettre. Alors, il y a beaucoup de ces lettres qui viennent de la collection d'Anne-Marie Springer, oui. Qui était justement une grande collectionneuse ce type de lettres-là. Il y en a beaucoup d'ailleurs, des gens qui affectionnent les correspondances amoureuses Et qui les gardent pour eux. Alors, les curiosa, oui. Une question peut-être performative d'ailleurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, peut-être que le lecteur d'aujourd'hui, alors il faudrait se poser la question effectivement de l'effet produit sur le lecteur d'aujourd'hui, c'est-à-dire on est hors circuit épistolaire, et pourtant on prend un certain plaisir, pas toujours seulement littéraire, à lire ce genre de lettres. Oui, il y a des amateurs. Je me souviens en particulier d'un expert qui vendait une lettre de Flaubert, et il se trouve que comme je me suis beaucoup occupé de la correspondance de Flaubert, il n'avait pas déchiffré un post-scriptum qui était un post-scriptum justement érotique. Et il regrettait beaucoup parce que la lettre se serait vendue deux fois plus cher s'il avait réussi à déchiffrer cette petite ligne. L'éros est performatif sur le prix de la lettre. Ah ben absolument, oui, bien entendu. Les lettres. Alors les lettres de Flaubert, qui sont des lettres uniquement littéraires, sont évidemment des lettres recherchées, mais lorsqu'il y a quelque chose en plus, un petit quelque chose en plus, un supplément ou un dangereux supplément, comme disait Rousseau, là, effectivement, le prix augmente. Oui. Alors, bon, il y en a qui sont plus attendus que d'autres. On s'attendait à trouver du libertinage dans l'entourage de Sade. On en a. Oui. Mais il paraît que Sade, finalement, écrivait des lettres qui n'étaient pas tellement libertines lui-même. Oui, alors je pense que Sade, j'ai pas une compréhension, enfin une lecture très étendue de la correspondance de Sade, mais Sade réservait les constructions imaginaires à son œuvre plus qu'à sa correspondance. Au fond, les lettres qu'il envoyait en particulier à son épouse étaient des lettres beaucoup plus factuelles, de demandes, de plaintes, et on n'est pas dans le domaine de la scène ou de ce que Diderot appelle Théophile Gautier appelle l'imagination érectile. Mm-hmm. L'expression est extraordinaire, l'imagination érectile. Sade réservait cette imagination-là à ses œuvres elles-mêmes. Alors, moins attendu, c'est Vigny, qu'on imaginait plus stoïque, et dans votre anthologie, on se rend compte qu'il aime parler du petit bouton rose qu'il baise. Ouais. Ça, c'est également une lettre que vous avez reproduite. Oui, alors il y a cette phrase aussi extraordinaire. Tiens, en parlant, cela revient et ne peut plus se contenir. Je me sers de ce papier. Évidemment, ce qui est intéressant dans l'épistolaire, j'entendais par exemple Laurence Campa qui parlait d'Apollinaire, rappeler très justement que tout cela se passe par lettre. Et évidemment, nous parlons d'amour, mais au sens épistolaire du terme. C'est que les instruments même de l'écriture et le support, c'est-à-dire le papier, l'encre et la plume sont érotisés à l'intérieur d'une mise en scène qui est presque une mise en abîme au fond de l'épistolaire comme étant lui-même contaminé, pourrait-on dire, par la lettre elle-même. Mm-hmm. Au sens où Beaumarchais va dire que son style épistolaire est un style spermatique, par mm-hmm. exemple. C'est extraordinaire, cette expression. Là, on est dans le performatif ou dans l'effectuation de la relation érotique dans la lettre elle-même. Alors, il y a aussi cette lettre très célèbre, qui est une lettre codée entre Georges Sand et Alfred de Musset, qu'on lit une ligne sur deux et qui n'a pas le même sens, évidemment, en fonction de la manière dont on le lit, soit toutes les lignes, soit une ligne sur deux. Alors, est-ce une lettre apocryphe? Est-ce une oui. lettre qui a réellement été écrite? Voilà. Alors, effectivement, dans cette anthologie, on ne publie que des lettres réelles, sauf celle-ci, mais on le signale au lecteur, parce qu'on s'est dit que, évidemment, dans un échange de lettres érotico-amoureuses, on s'attendait à cette lettre-là, donc on s'est dit qu'on allait la publier en précisant qu'elle était fausse. Alors, ce qui est intéressant, oui, donc il y a deux lettres, la longue lettre, le long poème de Georges Sand à lire un vers sur deux pour que ça prennent un sens érotique, alors que si vous lisez dans une première lecture, évidemment, le message est tout à fait banal. Et puis la réponse de Musset, qui lui tient en quatre vers, et c'est un acrostiche. Mm-hmm. Il faut lire à la verticale les premiers mots de chaque vers. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Georges Sand qui prend l'initiative dans la reconstruction, enfin la forgerie que cet échange de deux lettres. C'est Georges Sand qui prend l'initiative, alors que c'est évidemment relativement rare, cette position dominante, pourrait-on dire, ou active, puisque les éditeurs de correspondance parlent d'une correspondance active et d'une correspondance passive. Et ces deux catégories, finalement, s'appliquent aux relations sociales hommes-femmes, dans les relations amoureuses hétérosexuelles, jusqu'au milieu du XXe siècle, à peu près. Il est rare d'avoir une épistolière active sur le plan en particulier de la littérature érotique. On y reviendra peut-être, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le fait qu'en effet, c'est souvent les lettres des hommes qu'on peut lire et pas celles des femmes. Voilà, en plus, oui, mais ça c'est lié à un état social tout à fait, oui. Ouais. Mais avant éventuellement de reparler de ça, il faut aussi préciser que dans un certain nombre de lettres que vous avez reproduites, il ne s'agit pas d'une correspondance à l'être aimé, mais d'une correspondance à un ami, par exemple, comme c'est le cas pour Flaubert, qui parle de ses amours et de ses libertinages. Donc on est là dans un autre type de correspondance amoureuse, c'est même pas vraiment de la correspondance amoureuse. Ouais, si. Absolument, c'est pas de la correspondance amoureuse, c'est de la correspondance qui comporte un récit de ce que Flaubert appelle ses expériences érotiques quand il est en Orient. Et donc il écrit à Bouillet, il n'y a pas de correspondance érotique de Flaubert à des femmes. Il y a des correspondances amoureuses avec Louise Collet, avec d'autres femmes, mais pas de correspondances érotiques. Les récits érotiques, Flaubert les réserve à des hommes, à des amis hommes, mm-hmm. Ernest, Alfred Le Poitevin quand il est jeune, et puis Louis Bouillet. Mais alors, justement, la question à se poser, c'est de savoir comment se place celui qui reçoit ce récit érotique. Mmh. Et là, il y a un phénomène de procuration, puisque Bouillet est resté à Rouen pendant que Flaubert voyage en Orient, et Flaubert lui envoie des lettres qui permettent à Bouillet de voyager et en même temps de presque partager, de participer à l'expérience érotique. Flaubert lui écrit par exemple « Tu n'as pas cessé d'être présent au moment où il rencontre l'Almée Kouchoukanem. Je regrettais que tu ne fusses plus là, je jouissais pour moi et pour toi, je m'excitais pour nous deux et ouais. tu en avais une bonne part, sois tranquille. » C'est magnifique cette manière de... Bah, c'est peut-être de la correspondance amoureuse finalement de Flaubert pour Bouillet. Il y a quand même quelque chose de très étrange dans la manière dont ils se parlent l'un à l'autre. Enfin, en l'occurrence, dont Flaubert lui parle. Il faudrait penser à un partage de l'expérience érotique. Donc là, c'est quelque chose qui se passe à trois avec le destinataire et puis la personne dont Flaubert parle à l'intérieur de la lettre. Mais parfois, Flaubert lui parle un petit peu comme il parlerait à une maîtresse. Il lui dit à quel point il lui manque, etc. Absolument, oui. Oui. Alors, c'est vrai que la correspondance de Flaubert est souvent teintée d'amour homosexuel. Je pense que Sartre a raison quand il dit que ça ne dépasse pas le langage. Il y a une virilité à l'antique qui est jouée par Flaubert, y compris dans des formules d'adresse, effectivement, en particulier à la fin des lettres. Il fait une expérience, des expériences homosexuelles quand il est en voyage en Orient. Il en parle d'ailleurs justement dans les lettres. Deux ou trois, dit-il. Mm-hmm. Puis il dit qu'il faut, pour qu'une expérience soit bien faite, il faut la reproduire. Mm-hmm. C'est très consciencieux, toujours Flaubert. Absolument, ça, oui. Un grand travailleur. Ça fait partie du tourisme sexuel et de l'expérience. Mais il parle de cela comme d'une expérience. On peut penser effectivement que ses penchants naturels le conduisaient plutôt vers les relations hétérosexuelles. Ouais. Mais avec Bouillet, il y a une complicité ou une intimité effectivement qui joue sur les codes de l'homosexualité. Oui. Donc elles sont obscènes, ces lettres de Flaubert ? Alors, pas les lettres qu'on a publiées, pas les lettres de Bouillet. Il s'agit de la nuit qu'il passe avec la danseuse l'Almée Kouchoukanem. On peut pas dire qu'elle est obscène. En revanche, il y a des lettres beaucoup plus obscènes qu'il échange avec Alfred Le Poitevin lorsqu'il est jeune. Et puis les lettres que Flaubert a envoyées à Bouillet qui pouvaient être obscènes, on sait que Bouillet les a détruites à la fin de sa vie. Parce que ça, c'est un gros problème aussi de nos lettres, bien entendu. Peut-être qu'on va en parler, mais sur le plan éditorial, évidemment, elles sont très fragiles puisqu'elles abordent des secrets, des choses extrêmement intimes, et que du coup, les héritiers, les intéressés eux-mêmes, lorsqu'ils sont en danger de publication, pourrait-on dire, lorsqu'ils acquièrent une certaine notoriété qui fait qu'ils sont en danger de publication de l'intimité et des lettres, eh bien, font le ménage. Et puis évidemment, les héritiers le font eux aussi, si bien qu'on a rarement des correspondances croisées. On a souvent des ensembles qui sont déséquilibrés et des dialogues qui deviennent des monologues. Et quels seraient les écrivains dont les correspondances amoureuses seraient les plus complètes et les plus intéressantes aussi? Vous avez eu un bon exemple avec Maria Cazares et Camus, par exemple. Mm-hmm. Mais c'est assez rare, puisque Vera Nabokov a détruit la totalité de ses lettres. On a 280 lettres de Flaubert à Louise Collet. On a gardé 3 ou 4 brouillons de Louise Collet à Flaubert, et probablement parce qu'elle ne les a pas envoyées. C'est des lettres non envoyées qu'on a retrouvé dans ses papiers. Alors justement, on va écouter une lettre de Flaubert à Louise Collet, lue par Fabrice Lucchini. Tu es la seule à qui j'ai osé vouloir plaire et peut-être la seule à qui j'ai plu. Merci, merci, mais me comprendras-tu jusqu'au bout? Supporteras-tu le poids de mon ennui, mes manies, mes caprices, mes abattements et mes retours emportés? Tu me dis, par exemple, de t'écrire tous les jours. Et si je ne le fais, tu vas m'accuser. Eh bien, l'idée que tu veux une lettre chaque matin m'empêchera de la faire. Laisse-moi t'aimer à ma guise, à la mode de mon être, avec ce que tu appelles mon originalité. Ne me force à rien. Je ferai tout. Comprends-moi et ne m'accuse pas. Si je te jugeais légère et niaise comme les autres femmes, je te payerais de mots, de promesses, de serments. Qu'est-ce que cela me coûterait? Mais j'aime mieux rester en dessous qu'au-dessus de la vérité de mon cœur. Lettre à Louise Collet du 8 août 1846. Alors, elle n'est pas dans le volume, cette lettre. C'est davantage une lettre de couple qu'une lettre réellement amoureuse, même si un petit peu plus loin dans cette même lettre, ça devient un ton un petit peu plus tendre. Ça rentre dans la même catégorie, ça, la lettre du couple qui se fait des reproches. C'est encore la correspondance amoureuse. Oui, c'est une lettre très défensive. C'est une lettre avec beaucoup de tournées en négatif de la part de Flaubert. C'est une lettre du tout début de leur relation, puisqu'elle est de 46. Ils se rencontrent en juillet 46. Alors après, la correspondance va s'étendre sur deux périodes amoureuses, jusqu'en 49, départ en Orient, puis Flaubert va renouer avec Louise Collet jusqu'en 55. C'est une correspondance tout à fait particulière, dans la mesure où Flaubert parle plus de littérature que d'amour, au fond. Et c'est une vraie correspondance d'écrivain qui est magnifique aujourd'hui. On n'a pas les lettres de Louise Collet, mais j'imagine que les lettres de Louise Collet étaient des plaintes du manque d'amour de Flaubert, parce qu'il ne lui parlait pas suffisamment d'elle-même. Il parlait de son travail. Pour nous, évidemment, aujourd'hui, les lettres à Louise Collet sont le journal de fabrication de Madame Bovary, et c'est comme ça qu'on les reçoit. Alors évidemment, la lettre, et c'est sans doute le cas avec les lettres de Flaubert à Louise Collet, c'est une manière de mise à distance aussi. Parce que à la fin, quand on est vraiment amoureux, on a envie de voir l'amoureux ou l'amoureuse, et du coup les correspondances s'arrêtent. Et or, les très belles correspondances, eh ben, c'est celles qui durent souvent. Alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose finalement qui repousse l'être aimé et qu'on essaye de garder dans un imaginaire qui est plus beau que la réalité. Alors, oui, dans Leclerc. C'est surtout caractéristique chez Flaubert, qui est écrivain avant d'être amoureux. C'est-à-dire, il dit à Louis Collet que l'amour n'est pas la chose essentielle de la vie, c'est seulement l'ingrédient. Et il subordonne les rencontres avec Louis Collet. Lui, il est à Croisset et Louis Collet à Paris. À la fin de son mouvement, comme il dit, ou à la fin du chapitre de Madame Bovary qu'il est en train d'écrire. Mais il n'a jamais fini d'écrire Flaubert. Et donc, il repousse constamment l'échéance. C'est le thème du très bel essai dont on va reparler tout à l'heure de Vincent Kaufmann. Dont Marc Porret va nous parler. Dont Marc Porret va nous parler et qui joue sur ce paradoxe de la lettre qui normalement doit rapprocher, qui en fait permet à l'écrivain surtout de tenir à distance et de faire œuvre dans cette absence, dans la distance qu'il crée par la lettre. Alors c'était pas le cas pour Juliette Drouet et Victor Hugo parce que eux se voyaient, ils se voyaient même vraisemblablement quotidiennement. Quasiment tous les jours, oui. Et ils s'écrivaient aussi une lettre tous les jours. Alors, ils s'écrivaient. Juliette Drouet était obligée par Victor Hugo d'écrire une lettre. Elle en a écrit à peu près 20 000 billets pendant 50 ans. Et alors que Hugo ne lui répondait pas, il lui imposait, ou très peu, il lui imposait cela comme un devoir de journal intime. Ils appelaient cela l'un et l'autre des restituts. Alors les Hugoliens savent pas trop exactement quel est le sens du terme, mais probablement un sens religieux qui consistait à restituer l'emploi du temps de la journée. Donc c'est une correspondance tout à fait paradoxale, qui est une correspondance qui permet de différer la présence, au fond. Alors on va écouter justement un exemple d'une lettre de Juliette Drouet à Victor Hugo. 18 décembre, mercredi soir, 4h, 1839. Oh, par exemple, mon Toto, voilà un tour pendable que vous venez de me jouer avec votre petit air Sainte-Nitouche. Me faire habiller, me faire mettre en quatre pour être prête en même temps que vous, et vous me laissez là. Toto, Toto, la joue vous démange, mon amour, et j'ai bien envie de vous la gratter avec un bon baiser orné de griffes et de dents. Je suis furieuse contre vous. C'est très mal à vous d'attraper une pauvre femme confiante qui ne vous a jamais fait de mal. Fi, fi, fi. Il faudra que vous veniez diantrement déjeuner coup sur coup pour vous faire pardonner la cacafouille de tout à l'heure. Aussi, vous ne serez pas nommé demain. Ce sera Casimir qu'il sera. C'est bien fait. Et je vous tire la langue, ainsi que vous voyez. Nous sommes tous les deux très ressemblants, quoique un peu flattés. Monstre que vous êtes, vous n'avez pas honte d'avoir abusé une pauvre malheureuse femme innocente au sortir de son lit? Fi, vous devriez rougir jusque dans le fin fond de votre paletot. Je dirai à tout le monde que vous avez une orgue de barbarie dans votre chemise qui joue des airs toute seule et sans qu'on la tourne. Je le dirai, soyez tranquille. Une lecture par Dominique Raymond de cette lettre de Juliette Drouet à Victor Hugo qu'elle appelle Mon Toto. Oui, et Juju. Juju et Toto, oui. Alors, évidemment, elle est très amoureuse et très admirative de son grand homme, et en même temps, elle fait preuve ici d'espièglerie, d'une inventivité extraordinaire. Elle disait à Victor Hugo qu'elle ne pourrait pas évidemment rivaliser avec lui sur le plan de la langue et de la littérature, mais que sur le plan de l'amour, elle lui était égale et supérieure, et c'est par là qu'elle voulait rentrer dans l'histoire. Alors on a dit tout à l'heure que les femmes étaient assez peu représentées de manière générale dans les correspondances amoureuses. Non seulement elles sont très peu représentées, mais en plus elles ont un langage en général plus chaste que les hommes, qui ont un monopole de la parole un peu verte. C'est pas le cas de Juliette Drouet. Elle est capable de dire ce qu'elle veut, finalement, et sur tous les sujets. Oui. Elle est capable d'avoir un langage relativement cru, mais tout en restant, comme on l'a vu, très spirituel, et en jouant aussi sur les mots et sur les codes. Par exemple, elle embrasse Victor Hugo sur la 17e lettre de l'alphabet. Or, si on compte bien, c'est celle qui est comprise entre le P et le R. Voilà. 17e. Donc elle dit sans dire, et ça c'est l'un des plaisirs aussi, de la littérature libertine ou érotique, qui est ce jeu-là, sur le féminisme, sur la litote, sur les sous-entendus. Et évidemment, on a le double plaisir de deviner, et puis en même temps, d'avoir ce mot interdit. Alors finalement, il faut attendre la fin du 19e siècle, la belle époque, pour que l'écriture féminine se libère davantage, invente son style propre, et même peut-être le début du 20e siècle. On pense à Colette, et aux amours lesbiens de manière générale, où on a là de très belles lettres entre femmes, où justement on peut se dire autre chose. Voilà. Mais ce sont des lettres d'amitié, d'amitié amoureuse finalement. On n'a pas trouvé, alors sauf erreur de ma part, mais de lettres qui sont des lettres érotiques de la part de Colette. Alors il y en a peut-être, ceci dit, je n'ai pas une connaissance extensive de la correspondance de Colette, mais j'ai l'impression qu'elle reste en deçà des lettres de libertinage amoureux que l'on peut trouver sous la plume masculine. Ouais. Et peut-être que Colette, au fond, n'avait pas besoin de compensation par les mots de ce qui se passait en acte. Peut-être qu'elle avait moins besoin de cette imagination qui est celle de l'épistolier masculin. Ouais, et vous reproduisez une belle lettre de Liane de Pougy aussi à Nathalie, oui. Clifford Barney. Oui. Ouais. Là aussi, qui n'est pas une lettre libertine, c'est pas une lettre vraiment érotique. C'est une vraie lettre d'amour. C'est une vraie lettre d'amour, voilà. Mmh. Ouais. Merci beaucoup, Yvon Leclerc, pour cette présentation de quelques grands classiques de la correspondance amoureuse et érotique, dont vous avez fait paraître une anthologie en 2010 aux éditions Garnier. C'était en collaboration avec le journal Le Monde. Dans quelques minutes, nous parlerons de la correspondance amoureuse et aussi un peu amicale de Chateaubriand. Ce sera juste après notre chronique du jeudi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique du jeudi qui est, vous le savez, une carte blanche donnée à un lecteur aguerri sur un sujet en lien avec notre sujet de la semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir donc de recevoir Marc Poiret. Bonjour Marc. Bonjour. Professeur de littérature anglaise à l'École normale supérieure notamment. Vous venez nous parler de ce que l'universitaire Vincent Kaufmann a appelé l'équivoque épistolière. De quoi s'agit-il ? Bien, ça a été déjà un peu abordé tout à l'heure. L'équivoque, c'est que, censément, on correspond pour se rapprocher, pour combler la distance. Mais dans les faits, on s'ingénie, par toutes sortes de biais, à creuser cette distance, à souhaiter l'éloignement. Et finalement, Vincent Kaufmann le dit d'une formule un peu choc, rien n'est plus insoutenable pour l'épistolier que la présence de l'autre. Mmh. C'est-à-dire qu'on écrit toujours pour prolonger les échanges, même quand la personne est tout à côté. Ce sera le cas de Keats et de Fanny Brawne. C'est pour retrancher l'autre de sa vie, finalement. Donc c'est ça le vrai amour, c'est l'amour qui se passe dans nos têtes et on ne parle au fond que de soi, voilà. Quand on écrit à quelqu'un qu'on aime. Et Vincent Kaufmann va même plus loin, il dit qu'il y a un devenir monstrueux de l'épistolier, ou il y a un devenir monstrueux de l'écrivain. Et cette monstruosité, c'est quand on se retranche de la vie d'une part, de la parole humaine, pour lui préférer ou pour leur préférer l'écriture, hein, le non-contact par l'être interposé, mm-hmm. d'une certaine façon. Donc c'est la fondamentale misanthropie, non seulement de l'écrivain, mais aussi de l'amoureux qui écrit. Oui, misanthropie, se devenir monstre. Hein, Vincent Kaufmann dit « il y a un devenir yéti ». Chez tout littérateur. Mmh. Bon. Et peut-être misogynie, et peut-être que ça me permettrait d'aborder le problème, enfin, la question directe de la correspondance entre John Keats, mmh. donc, et Fanny Brawne, c'est qu'au départ, effectivement... Donc poète romantique à cheval sur le 18e et le 19e siècle. Voilà, poète romantique de la deuxième génération, poète de l'intensité et d'une forme de somptuosité verbale assez inégalée. Dans la littérature anglaise. Et donc, il entretient avec Fanny Brawne, pendant 2 ans, une liaison sans issue, finalement, dont il sait pertinemment qu'elle est sans issue. Fanny Brawne, qui est du coup d'une extraction supérieure, entre guillemets, à lui. Oui, légèrement supérieure à lui. Lui est d'une extraction assez modeste, il n'a pas d'argent, le mariage est tout à fait impossible, hein, socialement, donc il n'y a pas d'issue de ce côté-là. Et de plus, lui est malade. Il est poitrinaire, il sait qu'il va succomber. La maladie est dans la famille, elle est héréditaire, sa mère, son frère. Donc cet amour, hein, sur lequel il investit beaucoup, est un amour d'abord qui débouche sur une correspondance dont on peut dire qu'elle n'est pas poétique. C'est-à-dire qu'à aucun moment Fanny Brawne ne s'amuse. Mmh. Ce n'est pas avec elle qu'il parle littérature. Il parle littérature avec d'autres correspondants. Et à la limite, c'est là où je veux en venir, hein, en forçant un peu le trait, pardon, hein, mais c'est que il va finalement choisir d'écarter Fanny Brawne, ou plutôt, se plaignant que son amour pour Fanny Brawne le disperse et le détourne hein, du seul objet valable, à savoir l'art, la poésie, la littérature, eh bien, il va accepter de se laisser convaincre de partir à Rome et donc de s'arracher à la vie avec Fanny. C'est dans ce passage de l'extrême proximité, puisqu'il commence par habiter sous le même toit, à la très grande distance. Ils habitent littéralement sous le même toit pendant quelques mois. Leurs pièces sont mitoyennes à Wentworth Place à partir de 1819. Et puis, à la fin, il n'ouvre plus ses lettres, il ne lui écrit plus. Et quelque part, c'est un geste sacrificiel. Mm-hmm. Jane Campion en a fait un film. Est-ce que vous l'avez vu, Marc? Bien sûr. Oui, c'est un film que j'ai aimé, que j'ai plus aimé que certains critiques. Effectivement, il y a un parti pris esthétisant et on peut regretter ce parti pris parce que il y a chez Keats autre chose que de l'esthétisme pré-raphaélite auquel on l'a souvent réduit. Mais en termes d'intensité, en termes de beauté plastique, le film est assez fidèle à cet amour insoutenable. Merci. Et sans issue. Merci beaucoup, Marc Poré. On se retrouve à la rentrée. Très bon été à vous. C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous achevons notre semaine consacrée aux correspondances amoureuses, qui est également notre dernière semaine de la saison, par ces lettres de Chateaubriand à l'amante et à l'ami, c'est-à-dire à Delphine de Custine et à Claire de Duras. Nous sommes pour en parler avec Marie-Bénédicte Diethelm, spécialiste de Chateaubriand dont elle a publié l'hiver dernier, avec Bernard Degout, des lettres inédites à ces deux femmes. C'est aux éditions Gallimard, sous le titre donc de L'amante et l'ami, édition précédée d'une longue préface de Marc Fumaroli. On écoute un extrait d'une lettre de Chateaubriand à la duchesse de Duras, lue ici par Michel d'Argent. Val-de-Loup, jeudi soir, 29 mars 1810. Puisque vous voulez bien, madame, me permettre de vous donner le nom de sœur, je dois en frère affectionné tenir ma parole et vous rendre compte de la manière dont je passe ma vie depuis que je vous ai quitté. Depuis 2 jours que je suis arrivé, voilà la première fois que je m'assieds dans le salon et que je prends une plume pour écrire. J'ai fait 200 fois le tour de cette petite vallée que vous avez daigné visiter. J'aime mes arbres, mes ouvriers, que je ne puis consentir à les perdre de vue un moment. Quel dommage que ce plaisir soit si cher. Si j'étais riche, il est bien clair que mon rôle serait fini dans la vie et que je deviendrais un gentleman farmer dans toute la force du mot. J'ai en horreur les livres, la gloriole et toutes les sottises du monde. Une amitié tendre et surtout sans orage. La retraite et l'oubli le plus absolu satisferaient à tous mes goûts comme à tous mes besoins. Je mets au nombre des grands dédommagements des peines de ma vie passée le bonheur d'avoir rencontré my good sister dans mes vieux jours. Il est si rare de trouver aujourd'hui des âmes nobles qu'on ne saurait trop s'y rattacher quand par hasard le ciel vous les envoie. Bonjour Marie-Bénédicte Diethelm. Bonjour. On vient d'entendre là une lettre à l'ami et pas une lettre à l'amante. Qu'est-ce que vous en gardez ? D'abord, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Alors évidemment, on ne peut pas tout à fait faire confiance à Chateaubriand parce que la gloriole l'intéresse, les livres l'intéressent. Mais ce qui me paraît très frappant, c'est cette espèce de coup de foudre platonique qui l'a immédiatement unie à Madame de Duras. Alors elle, ça a été une déflagration dans sa vie. Elle avait rencontré le génie, comme disait Madame de Custine. Madame de Duras, c'est une personne d'une intelligence très remarquable, elle est vraiment assez prodigieuse. Et alors, pour une fois, Chateaubriand rencontre quelqu'un qui est à sa mesure. C'est pas pour une fois, parce que Madame de Beaumont était une femme exceptionnellement intelligente, et Madame de Noailles est tout à fait brillante. Il y en a beaucoup des madames autour de Chateaubriand. En fait, il a beaucoup de madames, mais Madame de Duras va avoir une place tout à fait particulière, puisque c'est une amitié parfaitement chaste, même si elle est extrêmement passionnée. Ce sont des lettres d'amour, évidemment, mais ce sont des lettres d'amour. Ils ne sont pas allés, comme on dit, jusqu'au dernier transport. Et pour quelle raison alors ? Alors, Madame de Duras était une personne très mince, très élégante, avec des grands yeux noirs. Elle se considérait comme peu belle. Et Madame de Boigne, qui a pourtant très mauvaise réputation, on dit qu'elle est très mauvaise langue, ce que je ne trouve pas d'ailleurs, dit que Madame de Duras, comme d'habitude, exagérait, et qu'évidemment, elle avait beaucoup d'allure, et que elle était, cette laideur qu'elle s'exagérait, comme elle dit, avait même disparu. Et donc, à cause de cette laideur internalisée... Exactement, internalisée, elle se sentait dépourvue d'attrait. Et je pense que c'est pire que de n'en avoir pas réellement. Vous savez, la duchesse de Bourgogne, dont on dit qu'elle était régulièrement laide, mais que les grâces naissaient sous ses pas. Eh bien, les grâces naissaient sous les pas de Madame de Duras, mais elle l'ignorait. Alors, Chateaubriand aurait peut-être pu figurer dans l'anthologie dont on parlait en première partie de cette émission d'Yvan Leclerc, des correspondances amoureuses, parce qu'il a lui aussi un côté cœur innombrable. Oui. Alors, libertin, pas trop. Il me semble qu'il n'a perdu la tête physiquement qu'une seule fois. C'est avec Madame de Castellane. Elle a plus de 20 ans de moins que lui. C'est en 1823. Alors là, véritablement, il oublie Madame de Duras, naturellement, mais Madame Récamier. Il oublie toutes les liaisons qu'il a à côté, parce qu'il en a toujours à côté. Et véritablement, il oublie tout. Oui, c'est pas le libertinage impie de Crébillon fils, de Diderot, de Vivant de Non, ça n'a rien à voir avec ça. Il ne me semble pas. Alors, il a quand même été couvert de femmes. Oui. Mais, évidemment, il y avait peut-être un problème entre ces pratiques amoureuses, enfin en tout cas le fait qu'il aimait beaucoup de femmes et le fait que il prônait en public en tout cas le christianisme et qu'en plus il a écrit ce grand ouvrage, Le génie du christianisme. Alors est-ce qu'il n'y a pas quand même, Marie-Bénédicte Diethelm, une contradiction et comment est-ce que lui-même pouvait expliquer ou s'expliquer à lui-même ou expliquer à ses maîtresses cette contradiction? Oui, il parle de lui-même comme un père de l'Église, parfois il parle de lui comme le père Aubry avec sa barbe. Je trouve qu'il s'en arrange, il arrange assez bien la situation. Assez facilement. Oui, il me semble. manifestement, il dit « Je suis un très grand pécheur, mais je me repens éternellement et par conséquent, je vais... » Ça, c'est moi qui joue. Je vais peut-être continuer à pêcher. Et de fait, c'est ce qui se produit. C'est ce qui se produit avec les innombrables personnes qu'il a rencontrées. Et alors, il a une sorte de fidélité étrange parce que il accumule les liaisons. Il les accumule. Elles ne sont pas successives. Elles sont toutes en même temps, presque. Mais en réalité, il a une sorte de fidélité de fond qui doit être très agaçante pour ses correspondantes. C'est-à-dire que réellement, il ne les oubliera jamais. On en voit beaucoup de traces dans les mémoires d'outre-tombe. Pourquoi c'est très agaçant, ça? J'imagine, parce que si on vous dit... par exemple, Madame de Custine, vous avez ces lettres, quand Monsieur Fumarolu m'en a parlé, il m'a dit, vous allez voir, ce sont les lettres de la religieuse portugaise. Je ne sais pas si vous les avez lues, mais c'est déchirant. Il ne vient jamais, il lui dit, vous avez tort de vous plaindre. Quoi qu'elle fasse, elle a tort et elle reste. Et cela dit, il la conserve. Il pourrait lui dire... Vous voulez dire qu'il la garde sous son emprise? Tout à fait. Il la garde presque jusqu'au bout. Et à un moment, elle a une liaison avec un jeune médecin qui s'appelle Koreff, que Balzac va très bien connaître. Et ça l'irrite. Il lui dit, mais de quoi? Alors, elle tient bon, elle continue à voir Koreff. Koreff, malheureusement, va lui aussi se lasser d'elle. Mais il continue et quand elle meurt, il revient sur cette personne qui a affronté l'échafaud d'un si grand courage. Parce que les trois personnes dont nous parlons, Chateaubriand, Claire de Duras et Delphine de Custine, ce sont des personnes qui sont dans un moment où, comme dit Hamlet, le temps est sorti de ses gonds. C'est Bernard de Gou qui a parlé de l'importance du temps pour Chateaubriand. Ils sont dans une béance, une grande partie de leur famille, à chacun d'entre eux, est morte. Ils sont véritablement entourés de morts et ils ont ces jours de sang présent. Madame de Duras dit « Ceux qui ont connu la terreur pendant leur jeunesse, n'auront jamais la franche gaieté de leur père. Corrève, justement, dit Delphine de Custine, l'échafaud lui est toujours apparu comme le temple de la vie. Ils en sont, dans un sens, toujours là. Le frère de Chateaubriand, sa belle-sœur, enfin bon, c'est... Mais alors, pour revenir sur la moralité, entre guillemets, de Chateaubriand, est-ce qu'il n'y a pas chez lui une définition d'une nouvelle moralité, d'une moralité moderne, qui s'est encore amplifiée, finalement, aujourd'hui, et qui consisterait à dire que, avec la modernité, justement, on est de plus en plus dans un état du vague des passions qui augmente et que l'inconstance devient non seulement perpétuelle mais finalement consubstantielle de l'évolution des mœurs, de la société. Alors j'ai envie de dire oui, mais véritablement je pense que ça c'est plutôt son côté 18e siècle. Ce romantisme qui commence, dont vous parlez, va mener à beaucoup de religions et beaucoup de vertus, au moins du moins d'un discours sur la vertu. Chateaubriand, là, dans ses histoires d'amour, et presque en toute innocence, c'est un homme de la fin du 18e siècle. Au fond, c'est ce que les Anglais appellent « Jolly Roman Catholic ». Oui. Et du coup, alors, ça l'empêche... Mon Dieu, ce sont des péchés mineurs. Compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de la correspondance de Chateaubriand avec amantes et amis. Et nous sommes pour ce faire avec vous, Marie-Bénédicte Diethelm. On parle d'Eros, évidemment, mais on pourrait parler aussi d'Agapé, parce que ça, c'est très important chez Chateaubriand, qui finalement... comme il est chrétien aussi, pense que l'amour parfait passe par la charité, passe par quelque chose de plus élevé, de plus haut. Est-ce qu'on le ressent, ça, dans cette correspondance amoureuse ? Certainement, l'amour est toute la vie de Delphine de Custine, l'amour de Chateaubriand principalement, et l'amour qu'elle a pour son fils Astolphe de Custine, le fameux marquis de Custine, celui de la Russie en 1839, qui en somme est le personnage muet assez qui est en filigrane de cette, qui est une des personnes qui est en filigrane de cette correspondance. Mais chez Chateaubriand, l'amour, c'est une définition très large. Oui, c'est ce que j'ai essayé de dire avec ces fidélités accumulées à toutes sortes de personnes, mais qui n'en sont pas moins exactes. Et par exemple, quand Madame de Duras meurt, il lui consacre un éloge extraordinaire dans les Mémoires d'Outre-Tombe. J'ai dit qu'il avait fait la même chose pour Madame de Custine. Pour Madame de Beaumont, c'est déchirant. Et évidemment, la personne qui a le plus beau tombeau, la plus belle statue dans les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est Madame Récamier, que Barbet appelle la Juliette aux 10 000 Roméo. Mais là, il y a un Roméo et c'est Chateaubriand. Il considère que c'est l'image la plus parfaite qui va, à mon avis, illuminer la sienne, le grand écrivain et la femme la plus belle. Cette image projetée, parce que vraiment, Madame Récamier a le génie, un génie tout à fait moderne de l'image. Et là, on peut parler d'un mariage mystique entre l'un et l'autre. Il n'était pas que, manifestement, nous n'y étions pas. Non. Mais je crois qu'il n'a pas été seulement mystique. Ouais. On considère généralement qu'il a été un amour bien réellement vécu, Alors que, oui, Madame de Duras, c'est une amitié très pure, très chaste, mais extrêmement violente. Madame de Duras, c'est, alors c'est un peu, elle a une situation un peu particulière dans cette affaire, parce que c'est la seule qui soit un écrivain, ouais. Et un écrivain de la passion. Et un écrivain qui connaît et qui peut parler de politique, par exemple. Alors par ailleurs, Delphine, dans ses lettres... Justine, oui. Elle est bien gentille, mais enfin, elle ne peut pas parler de politique, c'est ennuyeux, ça, pour non. Chateaubriand. Madame de Duras est capable de parler de tout ce qui intéresse Chateaubriand. Et puis, donc, elle se renseigne, elle est abonnée à plusieurs journaux, elle lit l'anglais comme le français, elle a tout lu, elle connaît tout le monde. Mais tout cela, elle le fait, non pas par ambition personnelle, mais pour lui, uniquement. Parce que, à partir du moment où il va se détourner d'elle, disons 25, 26, où elle est extrêmement malade, parce que les deux vont mourir assez jeunes, elle laisse la politique, elle laisse, et elle dit, et elle écrit à Rosalie de Constant que dans la politique, les femmes ne sont que par le sentiment. Donc, elle peut s'intéresser à tout, puis à un moment. Oui. Elle va écrire aussi des romans où elle aborde, on parle de Claire de Duras, hein, l'ami, oui. Où elle a, Duras, faut-il dire sans doute, elle parle de sexualité pour le coup, hein, comme dans Olivier ou Le Secret, un roman qui fut longtemps inédit, et elle laisse entendre que l'obstacle irrémédiable au bonheur d'un couple se trouve dans l'impuissance de l'amant à honorer physiquement l'amour qu'il porte à son idole. Alors évidemment, quand on connaît l'histoire avec Chateaubriand, il y a une résonance qui se fait, non, vous ne croyez pas ? Alors, c'est une idée que justement Chateaubriand lui avait donnée. Et elle lui dit, ce roman, c'est le vôtre, je vous le dédie parce que c'est vous qui m'en avez parlé. Et c'est un roman qui est très intéressant parce que Stendhal s'en est, comment dire, beaucoup inspiré. De même qu'il s'est beaucoup inspiré d'Édouard pour Le Rouge et le Noir, il s'est beaucoup inspiré d'Olivier pour écrire Armance. Oui, Chateaubriand, non. C'est-à-dire que là, je suis. Vous êtes perplexe. Oui, je suis perplexe parce que, alors, déjà dans le roman, on ne dit rien. Et d'ailleurs, Stendhal, dans Armance, dit la même chose. Il avait pensé à appeler son roman Olivier, puisque tout le monde savait que c'était un roman sur l'impuissance. Mais il a finalement écrit à Mérimée en disant qu'il allait utiliser un autre prénom, qui sera Octave, parce que sinon, cela ferait trop exposition. Et je crois en fait que ce que je voulais dire, c'est que Madame de Duras s'intéresse à ces situations d'amour impossible, je dirais, au départ. Et elle sait, comme dirait Camus, ou plutôt comme dirait Caligula, que les hommes meurent et ne sont pas heureux. Donc dès qu'une idée lui vient, en l'occurrence là par Chateaubriand, dès qu'une idée lui vient d'une impossibilité absolue, tout de suite, la création se déclenche. C'est plutôt ça. Et l'amante, Delphine de Custine, a certainement aussi inspiré le roman de Madame de Staël qui s'appelle justement Delphine. C'est ce que dit son fils. Elle a appelé son roman Delphine à cause de Madame de Custine qui, certes, n'est pas une intellectuelle, vous avez tout à fait raison de le souligner, mais a été une héroïne au moment de la Révolution. Son beau-père, le général Custine, est arrêté, jugé, il sera guillotiné, et en dépit du très grand danger de la chose, et alors que la fille même du général n'est pas là et ne refuse absolument de venir, elle vient, elle assiste à toutes les séances, et comme dit Chateaubriand, celle qui affronta d'un si grand courage le tribunal révolutionnaire. Donc ce sont des grandes âmes. Vous avez une lettre que vous préférez, que vous relisez davantage que les autres et avec plus de plaisir? Alors ce serait plus certainement une lettre de Madame de Duras. Alors, par exemple, quand elle parle justement des romans qu'elle écrit, encore un autre roman, « Cher frère, j'ai fait un moine qu'on dit qui est mieux que tout ce que j'ai fait. Me voilà femme auteur, vous les détestez. Faites-moi grâce, en vérité ce n'est pas moi. Je ne sais ce qui me possède. Un souffle, un lutin. Cette fois-ci, j'avais cette épée dans le corps, comme pour Eureka. » Merci Marie-Bénédicte Diethelm pour cette présentation des correspondances qu'entretenait Chateaubriand avec Delphine de Custine et Claire de Duras. Ces correspondances, eh ben, elles sont parues en 2017 chez Gallimard. Vous les avez éditées avec Bernard Degout sous le titre « L'amante et l'ami, lettres inédites 1804-1828 » avec une préface donc de Marc Fumaroli. La semaine prochaine, c'est le début de la grille d'été sur France Culture. Vous retrouverez La Compagnie des auteurs en rediffusion du lundi au jeudi à 20h. Et puis on se retrouvera évidemment à 15h à la rentrée. Je signale que samedi prochain, Christophe Onodibio sera en direct du Marathon des mots à Toulouse et recevra Ayelet Gundar-Goshen et Laurent Godet. Tout de suite, c'est le retour de la poésie. Et c'est évidemment avec Jacques Bonafé. Bonjour la compagnie. Alors nous retrouvons J'âme sacrée dans Écrire pour t'aimer adressé à SB. Ça c'était il y a quelques années. Il y a un additif qui dit SB hors du temps. Les deux temps de ce texte sont publiés chez Faï Fioc. Le cœur et d'autres organes, dit la deuxième partie. Ce que veut dire le verbe aimer, j'ai pour en mesurer l'impact, les gestes d'aujourd'hui, ou bien l'insensée rêverie qui me revient souvent, l'espèce de bonheur qui bat pas plus dans mon cœur en fait qu'il n'est installé à des endroits plus intimes de mon corps. Je garde auprès des miennes tes lèvres qui dorment. Autre poème. Est-ce que je vais pouvoir dresser, comme on dirait d'une table ou d'un reposoir, magnificence et manières sottes de l'enfance, quand justement se nouèrent dans l'infâme pureté des fleurs, les jeux soudain sans innocence, malgré les prés tranquilles, parce que dans la proximité violente et rouge des animaux, dresser dans l'abondance de sa musique, avec économie de simulacre et de figure, un poème qui soit à la fin la difficulté consentie et la grossière simplicité de ma dilection pour toi. Je regardais longtemps ce chien mâle, son membre tiré, lequel m'était un secret douloureux. J'avais peur d'avoir à cacher plus tard l'encombrement d'une pareille honte. Encore, page 55. Je voudrais qu'écrire un poème, ça soit comme courir dans un jeu cours d'école, j'y surveille ton œil qui mesure des distances. Courir dans le temps, rattraper ton cœur, encrassé d'huile et de travail, il bat toujours. Page 56. Dans ce livre, peut-être que tu n'es plus rien, n'empêche, toute une machine de mots fonctionne à cause de ton sourire qui respire le bleu silencieux du monde. À des endroits du paysage, des plantes rêches et leurs tiges un peu raides, bourraches ou chicorées sauvages, installent de la fleur et des petits escargots calcaires qui craquent dans les oreilles. C'est une longue durée de temps qui a projeté ton visage au fond vide et transparent du mot bleu. Quelques morceaux d'ancienne vaisselle ou des choses rouillées dans un coin de mauvais pré. C'est comme si on touchait la joue parasée de l'amour ou celle de la solitude. Et tiré de la fin du livre, SB hors du temps, écrire dans les ruines du souvenir, un peu d'herbe y serait du vert. Écrire à continuer. Continue quoi aujourd'hui? Mourir installe un définitif silence qu'on ne sait pas comprendre. Il n'y a rien à saisir. Redire dans un livre à nouveau publié ce qui fut dit dans le vivant, si ça reste vivant. J'ai pensé que ce livre me parlerait de toi. Il ne parle que de mon cœur, fut-il du désarroi de mon corps, à peine d'un échange de paroles. Il répète le mot présence. C'était pour dire le vivant. Tu n'es plus là. Le livre est un tas de silence. Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez aujourd'hui des poèmes de James Sacré.